Chapitre 1 du livre premier des Misérables, tome 5. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. Les Misérables de Victor Hugo, tome 5. Jean Valjean, livre premier. La guerre entre quatre murs. Chapitre 1. La charib du faubourg Saint-Antoine et la scylla du faubourg du Temple. Les deux plus mémorables barricades que l'observateur des maladies sociales puisse mentionner n'appartiennent point à la période où est placée l'action de ce livre. Ces deux barricades symbolent toutes les deux, sous deux aspects différents, d'une situation redoutable, sortie de terre lors de la fatale insurrection de juin 1848, la plus grande guerre des rues qu'ait vue l'histoire. Il arrive quelquefois que, même contre les principes, même contre la liberté, l'égalité et la fraternité, même contre le vote universel, même contre le gouvernement de tous par tous, du fond de ses angoisses, de ses découragements, de ses dénuements, de ses fièvres, de ses détresses, de ses miasmes, de ses ignorances, de ses ténèbres, cette grande désespérée, la canaille, proteste, et que la populace livre bataille au peuple. Les gueux attaquent le droit commun. L'oclocratie s'insurge contre le démos. Ce sont là des journées lugubres, car il y a toujours une certaine quantité de droit même dans cette démence. Il y a du suicide dans ce duel. Et ces mots, qui veulent être des injures, gueux, canailles, oclocratie, populace, constatent, hélas, plutôt la faute de ceux qui règnent que la faute de ceux qui souffrent, plutôt la faute des privilégiés que la faute des déshérités. Quant à nous, ces mots-là, nous ne les prononçons jamais sans douleur et sans respect, car lorsque la philosophie sonde les faits auxquels ils correspondent, elle y trouve souvent bien des grandeurs à côté des misères. Athènes était une oclocratie. Les gueux ont fait la Hollande. La populace a plus d'une fois sauvé Rome, et la canaille suivait Jésus-Christ. Il n'est pas de penseur qui n'ait parfois contemplé les magnificences en bas. C'est à cette canaille que songeait sans doute Saint Jérôme, et à tous ces pauvres gens, et à tous ces vagabonds, et à tous ces misérables d'où sont sortis les apôtres et les martyrs, quand il disait cette parole mystérieuse, « Fex urbis, lex urbis ». Les exaspérations de cette foule qui souffre et qui saigne, ses violences à contresens sur les principes qui sont sa vie, ses voies de fait contre le droit, sont des coups d'État populaires, et doivent être réprimés. L'homme probe s'y dévoue. Et par amour même pour cette foule, il la combat. Mais comme il la sent excusable tout en lui tenant tête, comme il la vénère tout en lui résistant. C'est là un de ces moments rares où, en faisant ce qu'on doit faire, on sent quelque chose qui déconcerte et qui déconseillerait presque d'aller plus loin. On persiste, il le faut, mais la conscience satisfaite est triste et l'accomplissement du devoir se complique d'un serrement de cœur. Juin 1848 fut, hâtons-nous de le dire, un fait à part, et presque impossible à classer dans la philosophie de l'histoire. Tous les mots que nous venons de prononcer doivent être écartés quand il s'agit de cette émeute extraordinaire où l'on sentit la sainte anxiété du travail réclamant ses droits. Il fallut la combattre, et c'était le devoir, car elle attaquait la République. Mais au fond, que fut juin 1848? Une révolte du peuple contre lui-même. Là où le sujet n'est point perdu de vue, il n'y a point de digression. Qu'il nous soit donc permis d'arrêter un moment l'attention du lecteur sur les deux barricades absolument uniques dont nous venons de parler et qui ont caractérisé cette insurrection. L'une encombrait l'entrée du faubourg Saint-Antoine, l'autre défendait l'approche du faubourg du Temple. Ceux devant qui se sont dressés sous l'éclatant ciel bleu de juin, ces deux effrayants chefs-d'œuvre de la guerre civile ne les oublieront jamais. La barricade Saint-Antoine était monstrueuse. Elle était haute de 3 étages et large de 700 pieds. Elle barrait d'un angle à l'autre la vaste embouchure du faubourg, c'est-à-dire 3 rues, ravinées, déchiquetées, dentelées, hachées, crénelées d'une immense déchirure, contrebutées de monceaux qui étaient eux-mêmes des bastions, poussant des caps çà et là, puissamment adossée aux deux grands promontoires des maisons du faubourg. Elle surgissait comme une levée cyclopéenne au fond de la redoutable place qui a vu le 14 juillet. 19 barricades s'étageaient dans la profondeur des rues derrière cette barricade mère. Rien qu'à la voir, on sentait dans le faubourg l'immense souffrance agonisante arrivée à cette minute extrême où une détresse veut devenir une catastrophe. De quoi était faite cette barricade? De l'écroulement de 3 maisons à 6 étages, démolies exprès, disaient les uns. Du prodige de toutes les colères, disaient les autres. Elle avait l'aspect lamentable de toutes les constructions de la haine, la ruine. On pouvait dire « qui a bâti cela ?» On pouvait dire aussi « qui a détruit cela ?» C'était l'improvisation du bouillonnement. Tiens, cette porte, cette grille, cet auvent, ce chambranle, ce réchaud brisé, cette marmite fêlée. Donnez tout, jetez tout, poussez, roulez, piochez, démantelez, bouleversez, écroulez tout. C'était la collaboration du pavé, du moellon, de la poutre, de la barre de fer, du chiffon, du carreau défoncé, de la chaise dépaillée, du trognon de chou, de la loque, de la guenille et de la malédiction. C'était grand et c'était petit. C'était l'abîme parodié sur place par le tohu-bohu. La masse près de la tombe, le pan de mur arraché et l'écuelle cassée, une fraternisation menaçante de tous les débris. Sisyphe avait jeté là son rocher et Job son tesson. En somme, terrible. C'était l'acropole des va-nu-pieds. Des charrettes renversées accidentaient le talus. Un immense haquet y était étalé en travers, l'essieu vers le ciel, et semblait une balafre sur cette façade tumultueuse. Un omnibus hissait gaiement à force de bras tout au sommet de l'entassement, comme si les architectes de cette sauvagerie eussent voulu ajouter la gaminerie à l'épouvante, offrait son timon dételé à on ne sait quels chevaux de l'air. Cet amas gigantesque, alluvion de l'émeute, figurait à l'esprit un ossa sur pélion de toutes les révolutions, 93 sur 89, le 9 Thermidor sur le 10 août, le 18 Brumaire sur le 21 janvier, Vendémiaire sur Prairial, 1848 sur 1830. La place en valait la peine, et cette barricade était digne d'apparaître à l'endroit même où la Bastille avait disparu. Si l'océan faisait des digues, c'est ainsi qu'il les bâtirait. La furie du flot était empreinte sur cet encombrement difforme. Quel flot? La foule. On croyait voir du vacarme pétrifié. On croyait entendre bourdonner au-dessus de cette barricade, comme si elle eût été là sur leur ruche, les énormes abeilles ténébreuses du progrès violent. Était-ce une broussaille? Était-ce une bacchanale? Était-ce une forteresse? Le vertige semblait avoir construit cela à coups d'aile. Il y avait du cloaque dans cette redoute et quelque chose d'olympien dans ce fouillis. On y voyait dans un pêle-mêle plein de désespoir des chevrons de toit, des morceaux de mansarde avec leur papier peint, des châssis de fenêtres avec toutes leurs vitres plantées dans les décombres attendant le canon, des cheminées décelées, des armoires, des tables, des bancs, un sang dessus dessous hurlant et ces mille choses indigentes, rebuts même du mendiant, qui contiennent à la fois de la fureur et du néant. On eût dit que c'était le haillon d'un peuple, haillon de bois, de fer, de bronze, de pierre, et que le faubourg Saint-Antoine l'avait poussé là à sa porte d'un colossal coup de balai, faisant de sa misère sa barricade. Des blocs pareils à des billots, des chaînes disloquées, des charpentes à tasseaux ayant forme de potence, des roues horizontales sortant des décombres, amalgamaient à cet édifice de l'anarchie la sombre figure des vieux supplices soufferts par le peuple. La barricade Saint-Antoine faisait arme de tout. Tout ce que la guerre civile peut jeter à la tête de la société sortait de là. Ce n'était pas du combat, c'était du paroxysme. Les carabines qui défendaient cette redoute, parmi lesquelles il y avait quelques espingoles, envoyaient des miettes de faïence, des osselets, des boutons d'habits, jusqu'à des roulettes de table de nuit, projectiles dangereux à cause du cuivre. Cette barricade était forcenée. Elle jetait dans les nuées une clameur inexprimable. À de certains moments, provoquant l'armée, elle se couvrait de foule et de tempête. Une cohue de têtes flamboyantes la couronnait. Un fourmillement l'emplissait. Elle avait une crête épineuse de fusils, de sabres, de bâtons, de haches, de piques et de baïonnettes. Un vaste drapeau rouge y claquait dans le vent. On y entendait les cris du commandement, les chansons d'attaque. des roulements de tambour, des sanglots de femmes et l'éclat de rire ténébreux des meurs de faim. Elle était démesurée et vivante, et comme du dos d'une bête électrique, il en sortait un pétillement de foudre. L'esprit de révolution couvrait de son nuage ce sommet où grondait cette voix du peuple qui ressemble à la voix de Dieu. Une majesté étrange se dégageait de cette titanique hôtée de gravats. C'était un tas d'ordures et c'était le Sinaï. Comme nous l'avons dit plus haut, elle attaquait au nom de la révolution quoi? La révolution. Elle, cette barricade, le hasard, le désordre, l'effarement, le malentendu, l'inconnu, elle avait en face d'elle l'assemblée constituante, la souveraineté du peuple, le suffrage universel, la nation, la république. Et c'était la Carmagnole défiant la Marseillaise. Défi insensé mais héroïque, car ce vieux faubourg est un héros. Le faubourg et sa redoute se prêtaient main forte. Le faubourg s'épaulait à la redoute. La redoute s'acculait au faubourg. La vaste barricade s'étalait comme une falaise où venait se briser la stratégie des généraux d'Afrique. Ses cavernes, ses excroissances, ses verrues, ses gibbosités grimaçaient pour ainsi dire et ricanaient sous la fumée. La mitraille s'y évanouissait dans l'informe, les obus s'y enfonçaient, s'y engloutissaient, s'y engouffraient. Les boulets n'y réussissaient qu'à trouer des trous. À quoi bon canonner le chaos? Et les régiments, accoutumés aux plus farouches visions de la guerre, regardaient d'un œil inquiet cette espèce de redoute bête fauve, par le hérissement sanglier et par l'énormité montagne. À un quart de lieue de là, de l'angle de la rue du Temple qui débouche sur le boulevard près du château d'eau, si l'on avançait hardiment la tête en dehors de la pointe formée par la devanture du magasin d'Allemagne, on apercevait au loin, au-delà du canal, dans la rue qui monte les rampes de Belleville, au point culminant de la montée, une muraille étrange atteignant au deuxième étage des façades, sorte de trait d'union des maisons de droite aux maisons de gauche, comme si la rue avait replié d'elle-même son plus haut mur pour se fermer brusquement. Ce mur était bâti avec des pavés. Il était droit, correct, froid, perpendiculaire, nivelé à l'équerre, tiré au cordeau, aligné au fil à plomb. Le ciment y manquait sans doute, mais comme à de certains murs romains, sans troubler sa rigide architecture. À sa hauteur, on devinait sa profondeur. L'entablement était mathématiquement parallèle au soubassement. On distinguait d'espace en espace sur sa surface grise des meurtrières presque invisibles qui ressemblaient à des fils noirs. Ces meurtrières étaient séparées les unes des autres par des intervalles égaux. La rue était déserte à perte de vue, toutes les fenêtres et toutes les portes fermées. Au fond se dressait ce barrage qui faisait de la rue un cul-de-sac, mur immobile et tranquille. On n'y voyait personne, on n'y entendait rien, pas un cri, pas un bruit, pas un souffle. Un sépulcre. L'éblouissant soleil de juin inondait de lumière cette chose terrible. C'était la barricade du faubourg du Temple. Dès qu'on arrivait sur le terrain et qu'on l'apercevait, il était impossible même aux plus hardis de ne pas devenir pensif devant cette apparition mystérieuse. C'était ajusté, emboîté, imbriqué, rectiligne, symétrique et funèbre. Il y avait là de la science et des ténèbres. On sentait que le chef de cette barricade était un géomètre ou un spectre. On regardait cela et l'on parlait bas. De temps en temps, si quelqu'un, soldat, officier ou représentant du peuple, se hasardait à traverser la chaussée solitaire, on entendait un sifflement aigu et faible, et le passant tombait blessé ou mort. Ou, s'il s'échappait, on voyait s'enfoncer dans quelque volet fermé, dans un entre-deux de moellons, dans le plâtre d'un mur, une balle. Quelquefois, un biscaïen. Car les hommes de la barricade s'étaient fait de deux tronçons de tuyaux de fonte du gaz bouché à un bout avec de l'étoupe et de la terre à poêle, deux petits canons. Pas de dépense de poudre inutile. Presque tout coup portait. Il y avait quelques cadavres çà et là et des flaques de sang sur les pavés. Je me souviens d'un papillon blanc qui allait et venait dans la rue. L'été n'abdique pas. Aux environs, le dessous des portes cochères était encombré de blessés. On se sentait là visé par quelqu'un qu'on ne voyait point, et l'on comprenait que toute la longueur de la rue était couchée en joue. Massé derrière l'espèce de dos d'âne que fait à l'entrée du faubourg du Temple le point cintré du canal, les soldats de la colonne d'attaque observaient, graves et recueillis. cette redoute lugubre, cette immobilité, cette impassibilité d'où la mort sortait. Quelques-uns rampaient à plat ventre jusqu'au haut de la courbe du pont en ayant soin que leurs shakos ne passassent point. Le vaillant colonel Monteynard admirait cette barricade avec un frémissement. « Comme c'est bâti, » disait-il à un représentant, « pas un pavé ne déborde de l'autre. C'est de la porcelaine. » En ce moment, une balle lui brisa sa croix sur sa poitrine et il tomba. « Les lâches, » disait-on. « Mais qu'ils se montrent donc, qu'on les voit. Ils n'osent pas. Ils se cachent. La barricade du faubourg du Temple, défendue par 80 hommes, attaquée par 10 000, tint 3 jours. Le quatrième, on fit comme à Zatcha et à Constantine, on perça les maisons, on vint par les toits, la barricade fut prise. Pas un des 80 lâches ne songea à fuir. Tous y furent tués, excepté le chef, Barthélemy, dont nous parlerons tout à l'heure. La barricade Saint-Antoine était le tumulte des tonnerres. La barricade du Temple était le silence. Il y avait entre ces deux redoutes la différence du formidable au sinistre. L'une semblait une gueule, l'autre un masque. En admettant que la gigantesque et ténébreuse insurrection de juin fût composée d'une colère et d'une énigme, on sentait dans la première barricade le dragon et derrière la seconde le sphinx. Ces deux forteresses avaient été édifiées par deux hommes nommés l'un Cournet, l'autre Barthélemy. Cournet avait fait la barricade Saint-Antoine, Barthélemy la barricade du Temple. Chacune d'elles est à l'image de celui qui l'avait bâtie. Cournet était un homme de haute stature. Il avait les épaules larges, la face rouge, le poing écrasant, le cœur hardi, l'âme loyale, l'œil sincère et terrible. Intrépide, énergique, irascible, orageux, le plus cordial des hommes, le plus redoutable des combattants. La guerre, la lutte, la mêlée étaient son air respirable et le mettaient de belle humeur. Il avait été officier de marine, et à ses gestes et à sa voix, on devinait qu'il sortait de l'océan et qu'il venait de la tempête. Il continuait l'ouragan dans la bataille. Au génie près, il y avait en Cournet quelque chose de Danton, comme à la divinité près. Il y avait en Danton quelque chose d'Hercule. Barthélemy, maigre, chétif, pâle, taciturne, était une espèce de gamin tragique qui, souffleté par un sergent de ville, le guetta, l'attendit et le tua, et à 17 ans fut mis au bagne. Il en sortit et fit cette barricade. Plus tard, chose fatale, à Londres, proscrits tous deux, Barthélemy tua Cournet. Ce fut un duel funèbre. Quelque temps après, pris dans l'engrenage d'une de ces mystérieuses aventures où la passion est mêlée, catastrophe où la justice française voit des circonstances atténuantes et où la justice anglaise ne voit que la mort, Barthélemy fut pendu. La sombre construction sociale est ainsi faite que grâce au dénuement matériel, grâce à l'obscurité morale, ce malheureux être qui contenait une intelligence, ferme à coup sûr, grande peut-être, commença par le bagne en France et finit par le gibet en Angleterre. Barthélemy, dans les occasions, n'arborait qu'un drapeau, le drapeau noir. Fin du chapitre 1 du livre premier.